je marche, marche, puis je marche, marche, puis je marche, marche, puis je marche, marche, puis je marche, marche, et puis je marche, marche, et puis je marche, marche, je marche, marche, je marche, et puis je cours, cours, tout court, je cours, cours, au secours, je cours, cours, tout court, je cours, cours. Oh, métro, métro, c'est trop. Oh, métro, c'est haut. Trop, métro, c'est trop. Trop, oh, trop, et oh. Trop, métro, c'est trop. Oh, métro, c'est haut. C'est trop, oh, métro, c'est trop.